J'ai une voisine qui dès les matines secoue ses vieux tapis sous mes narines. J'ai l'autre voisine qui dès le matin au fond du four laisse brûler du boudin. Oh mes voisins, oh mes voisines m'inspirent des pensées assassines. Oh mes voisines, oh mes voisins, je te donne les miens, tu gardes les tiens. J'ai un voisin, le samedi matin, qui au balcon fait griller des sardines. J'ai l'autre voisin, le dimanche matin, qui chasse le rat avec un gros gourdin. Oh mes voisins, oh mes voisines, m'inspirent des pensées assassines. Oh mes voisines, oh mes voisins, je te donne les miens, tu gardes les tiens. J'ai une voisine qui dès les matines agite ses casseroles dans la cuisine. J'ai l'autre voisine qui dès le matin gratte, ratisse et papote au jardin. Oh mes voisins, oh mes voisines, m'inspirent des pensées assassines. Oh mes voisines, oh mes voisins, je te donne les miens, tu gardes les tiens. Le samedi matin, qui perce, qui visse, qui cloue dans la cuisine. J'ai l'autre voisin, le dimanche matin, qui creuse, tronçonne et tond dans le jardin. Oh mes voisins, oh mes voisines, m'inspirent des pensées assassines. Oh mes voisines, oh mes voisins, je te donne les miens, tu gardes les tiens. Oh mes voisins, oh mes voisines, m'inspire des pensées assassines. Oh mes voisines, oh mes voisins, je te donne les miens, tu gardes les tiens.